vrai ami, tu le reconnaîtras dans le bonheur. Il se réjouira sincèrement avec toi et il bénira le nom du Seigneur sans jalousie ni hypocrisie. Amen. Ngambo na ngambo, bipai na bipai, matongi ko seka seka litio, pongana sekiye. Esengo pe kimia, ya kolonzambe papa nanga, itondi nga motema. Ala, bakunda kinga, nasala kinanu mobimba. Nzambo yonga nasambe laka, azana bomo. Mobimbananga nyoso na pesa na ye. Dala na pasi to bisengo na yebi azali kaka nzambe. Ye apambola kala ye mena tango na ye. Yo!